t'as dit des choses que tu pensais pas. Je suis malheureuse quand je suis pas dans tes bras. J'ai peur mon cœur, toute seule ce soir. J'ai peur, je pleure, tes histoires d'un soir. Un peu confuse, amour qui s'use. Tout reconstruire sont tes éclats de rire. Il fut un temps où bien heureux, je me sentais loin de nos adieux. C'est perdu. Que tu connais pas, je suis malheureuse comme si tu savais pas. Je crie, je pleure quand t'es pas là. Je vis, j'ai peur de tes yeux là. Un peu confuse de tes excuses, je n'y crois plus, tous ces mensonges sont durs. Fut un temps où bien heureux, tu te sentais loin de mes adieux. C'est perdu, c'est gagné. Tu voulais plus, laisse tomber. C'est perdu, c'est gagné. Je voulais plus valider. C'est perdu, c'est gagné. Tu voulais plus, laisse tomber. C'est perdu, c'est gagné. Victime.